19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire du métal où vous allez voir 2 heures donc de métal en fusion ce soir, comme toutes les semaines d'ailleurs. Ce qui vous attend ce soir, eh bien, c'est des nouveautés qui seront donc au nombre de 4 et aussi donc un petit survol de l'actualité, bien évidemment, qui a été quand même assez riche actuellement. Et puis ce soir, si c'est aussi une émission un petit peu particulière, puisque c'est une émission anniversaire, comme tous les ans à cette époque-ci, et oui, ça fait maintenant 16 ans qu'Electric Shock sévit sur les ondes, puisque la première émission a eu lieu, et c'était exactement le 8 novembre 2005, donc, ouais, vous voyez, le temps passe très très vite. Donc bien évidemment, on aura une pensée émue à Fred, Metal Maniac, qui lui aussi a été sur Radio Arc-en-Ciel et nous avait délivré quand même son émission pendant exactement le même laps de temps, 16 ans. Donc à nous deux, ça veut dire que ça fait 32 ans qu'il y a du métal, bien sûr. Alors, bien sûr, je pense à lui principalement parce que non seulement il m'a redonné le flambeau et en plus de ça, c'est vrai que tous les ans, j'avais l'habitude de l'inviter pour lui montrer donc le navire était à flot et que ça continuait. Et comme je le disais à chaque fois, ça me faisait toujours drôle de le voir en face au rayon des invités, alors que c'est moi qui fais la technique. Et vu le nombre de fois où j'étais invité à l'émission Metal Maniac, donc Fred, je ne sais pas où tu te trouves maintenant, plus sur ce plan astral, mais en tout cas, on te salue bien bas et je sais que là où tu es, tu sais qu'on est toujours là. Donc, comme je vous disais, à soirée anniversaire, et pour ça, eh ben, c'est votre anniversaire à vous, chers auditeurs. Donc ce soir, plein de cadeaux pour vous. Il suffit simplement d'appeler au 02 38 43 48 00 pendant toute l'émission. Donc vous avez 2 heures pour ça. Pour donc souhaiter un bon anniversaire à Electric Shock. Donc des CD, bien sûr, des t-shirts, des posters, des gadgets promotionnels, bien évidemment. Et puis vous aussi, à titre personnel, j'accepte tous les cadeaux. Je sais pas, moi, si vous avez une bonne bouteille de whisky ou autre, ou même une voiture de sport, enfin, à m'offrir, n'hésitez surtout pas. Voilà. Vous êtes prêts? Eh bien, on va commencer tout de suite avec une de ces nouveautés de la semaine. Un groupe français qui vient de nous sortir son premier EP, ce groupe s'appelle Fur. C'est tout nouveau, tout beau, tout chaud, puisque c'est sorti vendredi, comme quoi vous voyez. Donc, ce EP qui s'appelle Thank You. Que vous dire musicalement, c'est un mélange de métal alternatif. C'est vrai que ça se dit beaucoup actuellement et ça regroupe un peu tout et n'importe quoi. Enfin, musicalement, on peut dire que ça se rapproche d'un mélange de System of a Down et de In This Moment. Et aussi, la particularité de ce groupe, c'est qu'il y a 2 chants. Il y a une voix mélodique d'une chanteuse et rock'n'roll en même temps, et une voix beaucoup plus brutale, masculine. Et tout ça s'entrechoque et donne un mélange assez intéressant. Donc, extrait de ce EP qui s'appelle Thank You, sorti vendredi, My World. Et je vous rappelle donc que si vous voulez des petits cadeaux, n'hésitez surtout pas, 02 38 43 48 00, parce que cette émission, c'est avant tout la vôtre.

Les Canadiens de Spirit Box, c'est leur premier album Eternal Blue, sorti au mois de septembre, qui fait un petit carton dans les charts américains. C'était le morceau Yellow Jacket, où on pouvait retrouver d'ailleurs en duo le chanteur d'Architects, Sam Carter. Juste avant Spirit Box, morceau qui a donc ouvert l'émission et première nouveauté de la soirée, donc les Français de Fur avec leur premier EP Thank You, et c'était le morceau My World. On va continuer dans un registre beaucoup plus sombre avec un projet que je vous ai présenté la semaine dernière qui s'appelle Owl Cave, donc le nid d'hibou, qui s'appelle donc Broken Speech, qui est un one man band, on va dire, un projet solo, et c'est un album qui fait une quarantaine de minutes et qui a la particularité de n'être qu'un seul morceau. Voilà, en fait, il y a différentes ambiances, très sombres, très lourdes, très glauques. On peut qualifier ça de quasiment post-black metal. Enfin, il y a des choses très intéressantes dessus. Donc, on va continuer la diffusion de ce morceau. On avait passé une petite partie la semaine dernière. On reprend donc là où les choses s'étaient arrêtées. Et puis, je vous rappelle, donc, 02 38 43 48 00. Faites exploser le standard. J'ai plein de petits cadeaux pour vous. N'oubliez pas que ce soir, c'est donc les 16 ans d'Electric Shock. Voilà, on va arrêter là donc pour le morceau de Broken Speech, parce que sinon il y en a encore pour une bonne trentaine de minutes. Puisque je vous rappelle que c'est un morceau qui fait 43 minutes exactement. Donc c'était Old Cave à l'instant. On va se faire quelque chose de plus rock'n'roll avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec un projet dont s'est sorti au mois de juillet, mais là j'en ai entendu parler que très récemment. Ça s'appelle Heavy Water. Alors Heavy Water, c'est quoi? Eh ben c'est ni plus ni moins que l'association de Biff Bifford de Saxon, hein, qu'on ne présente plus, et de son fils. Il faut dire que cette année 2020 et 2021, ça a été assez mouvementé pour Saxon, parce qu'on va vous rappeler que normalement Saxon devait célébrer donc leurs 40 ans de carrière avec une tournée qui s'annonçait magistrale. À mon avis, on allait avoir ce qu'il fallait, mais enfin bon, tout ça, ça a été annulé. Donc entre-temps, l'ami Biff Bifford en a profité aussi pour sortir son petit album solo, et malheureusement, les quelques dates qui étaient prévues ont également été annulées. Du coup, pour rester toujours sur les feux de l'actualité, Saxon en a profité pour sortir un album de reprise. Bon enfant, faut pas chercher un truc génial, mais bon, c'était sympa. Et en même temps, il décide de passer un petit peu de temps en famille avec son fiston, et donc de faire quelque chose tous les deux. Alors, qu'est-ce que ça donne tous les deux? Donc, l'ami Biff Bifford chante en partie, le fiston également, et le fiston se charge des parties de guitare, et quant à Biff Bifford, retrouve ses amours de jeunesse, puisque toutes les parties de basse, c'est lui qui s'en occupe. Musicalement, on a quelque chose de très rock, un côté grunge années 90 aussi. Alors, la première écoute fait que les premiers morceaux, on a plutôt l'impression que c'est Biff qui prend le dessus et qui, vu l'expérience, prend les rênes. Et en fin de compte, au fur et à mesure que les morceaux se passent, on s'aperçoit qu'en fait, c'est l'inverse finalement. C'est un équilibre assez bien trouvé. Et puis, leurs deux voix se marient relativement bien. Et le fiston a une belle voix aussi, peut-être moins puissante que le père. Mais il y a des choses assez sympas. Comme par exemple, ce Red Brick City qui pourrait faire penser à une sorte de Soundgarden plus bluesy. Voilà. C'est le titre qui donne donc son nom à l'album. Et puis je vous rappelle 02 38 43 48 00. Tiger Lich que vous devez commencer à bien connaître. Ça fait quelques semaines qu'on passe des extraits de Melancholy Bridge, leur dernier album d'ailleurs qui est chroniqué dans le Rockart de ce mois-ci quand même. C'était High Level of Bullshit. Juste avant, tout nouveau, tout beau, tout chaud, Heavy Water avec l'album Red Brick City, et c'était le morceau titre, et c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Et là, on va faire un petit tour du côté de, à l'asile psychiatrique, puisqu'on va retrouver les Fous Furieux de 643, dont je vous ai présenté le dernier album la semaine dernière. Donc, mélange de rock, d'électro, d'indus, enfin, de tout ce que vous voulez, mélange un petit peu de Mr. Bungle, Face No More, c'est clair. Donc, c'est pour les plus ouverts d'esprit et les plus frappadingues aussi. Je pense que si vous avez été bercé très près du mur, ça va vous plaire. Donc, extrait de cet album Fairy Tales for Strange Lullabies de Dome. Ce soir, vous avez Prime Focus. Take a breath, what we got here, is it just a dream or results of illusions? Watch this building, full of great promises, is it fallacy or results of confusion? He's doing the trouble. Imagine the feeling. Yeah. Trompé de fréquence, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock, l'émission Hard Rock Heavy Metal, tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Même si vous avez pu en douter à l'instant à cause des frappadingues de 6:33 et leur dernier album Fairy Tales from Strange Lullabies, The Dome, c'était Prime Focus. On va continuer avec ce qui était une des grosses sorties de cet automne et même de l'année 2021. Le nouvel album de Dream Theater, on reprend là où les choses s'en étaient arrêtées avec Distance Over Time. Donc si vous êtes fan, vous allez être fan. Si vous n'aimez pas, voilà, c'est pas... Et moi je dois avouer que même si la première écoute m'avait plutôt séduit, bah, au fur et à mesure des écoutes, moi je reste un petit peu sur ma faim, comme ces derniers temps avec Dream Theater. Ça fait longtemps que pour ma part, ils me font plus rêver. Mais enfin bon, ce que je vous dis là, ce n'est qu'un point de vue personnel. Petit extrait, si on veut, parce que chaque, il y a aucun morceau en dessous de 6 minutes sur cet album. Extrait de View from the Top of the World, le morceau Sleeping Giant pour vous ce soir. Et puis bah j'espère que vous allez vous réveiller un petit peu parce que bah j'ai pas entendu le standard pour l'instant. Ou alors c'est que je suis sourd. Ou alors c'est que vous êtes tellement gâté que vous n'avez pas envie d'avoir un petit cadeau. Je sais pas. Bon, enfin bref. Je vous rappelle donc que c'est l'émission anniversaire, donc si vous voulez vous faire plaisir, appelez au 02 38 43 48 00. En attendant, je vous mets Dream Theater. We'll be right back. aussi technique et aussi impeccablement bien joué. Dream Theater avec Sleeping Giant, un petit extrait, façon de parler, de A View from the Top of the World, qui est leur dernier album. Dream Theater qui devrait être en concert, en théorie, au mois d'avril prochain en France. Ça va toujours? On va revenir à l'album solo de Mark Tremonti, Marching in Time, avec le morceau qui s'appelle tout simplement, qui a donné donc son titre à l'album. Old and the blind, under the skin, hollow within. Mark Tremonti avec le chanteur-guitariste de Alter Bridge avec le morceau Marching in Time qui donnait donc son titre à son dernier album sorti au mois de septembre qui était déjà son cinquième. C'est vrai que lui, tout ce qui touche, ça se transforme en or, hein, que ce soit avec Creed, Alter Bridge ou en projet solo, c'est clair. Fan d'Alter Bridge d'ailleurs, hein, prochain album devrait être attendu d'ici, je pense, l'automne 2022. Donc on a le temps de suivre tout ça. On va se faire encore une nouveauté, la troisième de la soirée. On va refaire un petit tour en France où on va retrouver un groupe qui s'appelle Horizon Line qui vient de sortir donc son premier album, A Place in Time. C'est sorti donc fin octobre. On va dire c'est du rock alternatif. Je sais que je n'aime pas trop ce terme parce que alternatif ça veut tout dire et rien dire. L'ensemble c'est un mélange de, on y reconnaît des influences comme Muse, Blink 182, Rage Against the Machine, Queen of the Stone Age, Marilyn Manson, plein de choses. Et ça nous donne un cocktail assez intéressant, comme vous allez pouvoir en juger avec More Than a Lover, le morceau de ce soir. I used to think I owned those dirty emotions. I fucked up, went too for granted, so many things out of my goddamn will. Yeah. Popyvol, les Américains de Popyvol. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas passé un petit extrait de leur excellent dernier album Versatile, sorti au printemps dernier. C'était Human Nature. Juste avant Popyvol, le tout nouveau, tout beau, tout chaud, puisque c'est sorti fin octobre, le premier album des Français de Reason Line, Place in Time. Et ce soir, vous avez pu découvrir More Than a Lover. Et il est déjà 20h04 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Pour l'instant, vous n'avez pas appelé beaucoup, même pour ne pas dire pas du tout. Serait-ce que vous êtes timide? Surtout n'hésitez pas, je vais pas vous bouffer. C'est pas parce que la musique elle est féroce que l'animateur est particulièrement méchant. Je crois que je n'ai mangé encore personne, enfin du moins pour l'instant. Donc je vous rappelle que pour les 16 ans d'Electric Shock, si vous voulez gagner des petits cadeaux, il suffit d'appeler, vous serez gâtés. On va faire un petit peu de death metal, tiens, pourquoi pas. Revenons avec une des révélations de cet automne, les Alsaciens de Towards the Throne et leur premier album Vow to Decline. Pour tous ceux qui aiment le death mélodique, je crois que c'est une bien belle réussite. Donc ce soir, quel morceau est-ce qu'on va se faire? Tout simplement The Inevitable Trail of the Fall. Tout un programme. Je vous rappelle 02 38 43 48 00. Vraiment un groupe à suivre, ça, Towards the Throne, avec un extrait de Vow to Decline, leur premier album, et c'était The Inevitable Trail of the Fall. Vraiment, moi, je trouve qu'il y a de très très bonnes choses sur cet album, qui est vraiment une belle découverte. Et ben enfin, un grand merci à l'ami Christophe d'Iron Troopers, ce fidèle auditeur, qui est le premier à grafler un petit cadeau. Donc j'espère que ça va vous donner des idées aussi. Rappelez-vous que là, il vous reste encore un peu plus de 3/4 d'heure, hein, au 02 38 43 48 00. Pour cela, n'oubliez pas que ce soir, c'est quand même les 16 ans d'Electric Shock. Et puis aussi, on aura une pensée aussi pour Stéphane Jacquet, d'Ititou, qui était le premier bassiste de Mass Hysteria, qui est décédé donc samedi dernier à l'âge de 53 ans et qui était un des fondateurs donc du groupe. Voilà, donc ça c'était le petit côté la rubrique nécrologique d'Electric Shock ce soir. Bon, après Towards the Throne, on va se passer quelque chose de beaucoup plus heavy qui a fait l'actualité. C'est Judas Priest qui a fêté ses 50 ans avec un superbe coffret qui regroupe donc tous leurs albums et plein de live inédits avec plein de belles choses. Seulement, bon, non seulement c'est très cher, enfin, c'est très cher. Quand on voit tout ce qu'il y a dedans, non, à proportion, pas spécialement, mais c'est quasiment impossible à avoir. On doit se contenter donc de cette compile un petit peu bâtarde qui s'appelle Reflection 50 Heavy Metal Years of Music, qui comprend donc quelques titres studio. Et surtout des titres live inédits qui sont au nombre de 7. Donc pour ce soir, on va se faire un classique du Priest. Ça, s'ils ne jouent pas ça en concert, ils vont se faire lyncher. C'est le Sinner, enregistré à New Haven en 1988. Vous êtes prêts? Eh ben, je vous invite par contre pendant Judas Priest à appeler au 02 38 43 48 00. ça, c'est toujours aussi bon, ça, c'est clair. Judas Priest, vous aurez reconnu, évidemment, The Sinner, un petit extrait de la compile Reflection 50 Heavy Metal Years of Music, et pour les archivistes, a été enregistré à New Haven, aux États-Unis, en juillet 1988. Ça va toujours? Eh ben, tiens, on va revenir à l'album Destinity, on va faire un tour, donc, du côté de Besançon, on va retrouver l'ami Mick César, l'ancien chanteur de No Return, qui a remis au goût du jour son ancien groupe avec un nouvel album qui s'appelle In Continuum, dont on vous passe déjà plusieurs extraits depuis quelques semaines. Et là, vous aurez droit à Dawn Never Breaks. Yeah. J'adore cet album, ça c'est vraiment un des coups de cœur de l'émission depuis la rentrée. C'est l'album des Alsaciens de Dan Wright Mullis, leur sixième Mechanica Temporis, et c'était Scene of Pride à l'instant. Avant Dan Wright Mullis, on a eu un petit extrait de In Continuum, le dernier album de Destinity, et le morceau Dawn Never Breaks. Faisons un petit tour maintenant en région parisienne. On va retrouver le groupe de métal symphonique et chanteuse Orchis, que vous connaissez, parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on vous en diffuse, qui s'appelle Away. Et sur cet album figure une superbe reprise de The Clansman d'Iron Maiden. Morceau grandement aussi épique. Par contre, moins guerrier, avec une version plus onirique. Malgré tout, une très très belle reprise. Bah tiens, on va la dédier à l'ami Christophe des Iron Troopers, qui, je pense, va l'apprécier vraiment. Et bah, je vous rappelle qu'il vous reste encore une bonne vingtaine de minutes si vous voulez rafler des petits cadeaux. Donc voilà, car ce soir, c'est quand même les 16 ans d'Electric Shock. Je vous rappelle donc le numéro de téléphone 02 38 43 48 00. Donc en attendant, la reprise d'Iron Maiden, The Clansman par Orchis. superbe reprise, hein, je vous l'avais dit. Vous aurez reconnu sans problème The Clansman, qui à l'origine figurait sur Virtual Eleven d'Iron Maiden en 1998. Et là, c'était les Parisiens de Orkis qui s'en chargeaient de cette superbe reprise sur leur album Away, sorti donc au mois de septembre dernier. On va se faire la dernière nouveauté de la soirée, donc dans la série Faisons du neuf avec du vieux. Je voudrais Black Sabbath. Alors, depuis quelque temps, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'éditions dites deluxe qui sortent, donc souvent avec c'est l'album remasterisé, un album culte remasterisé, plus quelques bonus. Et on a aussi maintenant droit à des coffrets qui s'appellent Super Deluxe. Et Black Sabbath, maintenant, on en a déjà quatre albums qui sont mis dans cette, dans ce format. Donc dans ces coffrets, on a eu droit à Paranoid, qui était sorti en 2016 chez Warner. La maison américaine l'avait sorti en 2016, il y a quelques années. D'ailleurs, on avait passé pas mal d'extraits de des inédits qu'il y avait sur ce coffret. Il est ressorti l'année dernière en Europe chez BMG. Et au printemps, on a eu droit à Volume 4, le quatrième album, qui va faire donc l'étude ce soir. Cet été, on a eu droit à la sortie de l'album Sabotage, et plus étonnamment, on a eu droit à Technical Ecstasy, là, au début octobre. Ce qui est un petit peu curieux, concernant Technical Ecstasy, c'est que déjà, c'est pas un des meilleurs albums du Sab, et surtout, il y a eu quand même des albums vraiment excellents, comme Master of Reality, et je pense à Sabbath, Bloody Sabbath, bon, peut-être que ce sera pour plus tard. Alors, dans ce coffret, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, on a l'album, donc, remasterisé. Bon, moi, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que on pousse le bouton de volume un peu moins fort sur sa chaîne, mais enfin, bon. C'est quand même déjà ça. Une version remixée par Steven Wilson. Bon, alors là, franchement, je vois vraiment aucun intérêt à ce genre de choses. Pour moi, c'est ce que j'appelle du révisionnisme auditif, car un album, c'est pour moi représentatif d'un instant. Donc, si effectivement, des fois, le groupe peut dire « Ah oh, tiens, oui, j'aurais bien fait ci comme ça » ou autre. Est-ce qu'un écrivain va s'amuser à réécrire un livre? Je ne pense pas. Est-ce qu'un peintre va refaire un tableau? Je ne pense pas non plus. Donc, pour moi, un album, ça devrait rester en l'état. Voilà, point barre. Et plus intéressant, par contre, un CD rempli de prises alternatives, de outtakes. Donc là, ça permet de voir d'un petit peu l'évolution des morceaux. Ça, c'est quand même plus intéressant. Et le quatrième CD, bah, qui va d'ailleurs nous intéresser pour ce soir, c'est un live enregistré pendant la tournée de mars 73, dont d'ailleurs figurait le live... Ainsi que le Live at Last, par exemple. Si vous vous souvenez, Live at Last était sorti en 1980, quand le groupe était en pleine restructuration, puisque Ozzy Osbourne était parti et que Ronnie James Dio venait rejoindre le groupe, et qu'Ozzy lançait sa carrière solo avec succès. Et ben, l'ancien manager en avait profité pour ressortir des bandes derrière les fagots sur ce live un peu, quelque peu douteux. Et quand j'ai vu les titres qu'il y avait sur ce CD bonus, j'ai eu peur que ce soit la même chose, même si en version remasterisée, par contre là je dois avouer que ça leur a fait du bien. En fait, c'est de la même tournée, mais c'est pas les mêmes concerts, même si le son est quand même très roots. Et puis aussi, dans ce genre de coffret aussi figurent plein de choses comme des posters, des reproductions de tours programmes, et ainsi un beau petit livre par contre très intéressant, où qui raconte la genèse de cet album quand même mythique en ce qui concerne le Sab. Enfin, en attendant, assez parlé, vous allez découvrir ce que valait Tomorrow's Dream, enregistré en Angleterre en 1973 de ce coffret. Et je vous rappelle qu'il vous reste encore un petit quart d'heure pour rafler des cadeaux au 02 38 43 48 00. We'll be right back. entitled Sweet Leaf. Yeah. Destroy, hein, c'est vraiment le mot qui convient. Enfin, ces deux extraits live de Black Sabbath, Sweet Leaf et Tomorrow's Dream, donc deux extraits du coffret Volume 4 Super Deluxe Live in the UK 1973. Et ça va être le moment du dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Donc on va continuer toujours en live, mais un live sans public, avec le live de Gamma Ray pour ses 30 ans, 30 Years of Amazing Awesomeness. Et on va terminer avec Send Me a Sign. Donc si vous voulez rafler un petit cadeau, eh ben il vous reste encore un peu plus de 5 minutes pour rappeler au 02 38 43 48 00. Allez, Send Me a Sign. Send Me a Sign de Gameray, extrait donc du 30 Years of Amazing Awesomeness. C'était donc le dernier morceau d'Electric Shock pour ce soir. Eh bien, merci d'avoir été à l'écoute de ce 684e numéro et émission anniversaire, les 16 ans d'Electric Shock. Merci spécial donc à Christophe qui a donc ce soir raflé un petit cadeau. Voilà. Et donc, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, avec des nouveautés, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, écoutez Plein de Métal et Radio Arc-en-Ciel. Et moi, je vous dis à mardi prochain. Salut à tous!